ouais je reviens avec mon équipe. C'est pas un solo mais je dis ce que je veux quand je débute en prime, c'est kick sur le beach avec Jackie et Pete, Benji, Lino, Janie, confie un footless group, la panique tout remettre sur un beat. Elle est sinueuse que j'habite en deux triples, perds pas ton temps à gratter la bite. Secteur A, accepté d'un nouveau blessé mais pas mort, tu pleuras encore plus fort, un noyau plus dur encore. Sommes dans la bonne musique et le public respecte. Vois le top secteur 1 n'est pas une secte. Tension le tréma plane, une atmosphère suspecte. Un nouveau son c'est ce que récolte tous ceux qui nous inspectent. Ceux qui persistent à nous dire que c'est pas clair donc pas net. Ceux qui tiennent les commandes, y'a ceux qui tiennent les manettes. Pour eux un trip collectif, plusieurs styles, le même texte. Une graine de résistance, on vise mais faut qu'elle germe dans nos textes. Sommes dans la bonne musique et le public respecte. Pas un chant pour les peuples, ni personne nous arrête. Sommes dans la bonne musique et le public respecte. Même quand il pleut des coups durs, le noyau dur, garde la tête. Sommes dans la bonne musique et le public respecte. Pas un chant pour les peuples, ni personne nous arrête. Sommes dans la bonne musique et le public respecte. Même quand il pleut des coups durs. Ici on fait pas de comédie, on est pas sur le satellite, on va pas en faire une tragédie. Même si on agit en équipe réduite, encore plus de rage dans nos écrits. Et on produit sarcellite, que de la tuerie dans mon écurie. On est là et on milite, qu'est-ce tu dis. J'ai du siècle à m'en remettre, de ce style qui espiègle. C'est disciple Marcel, tel diable veut dépasser de notre cercle. Je vois ça d'un œil glauque, l'eau qui tombe goutte à goutte brise le dur rocher, mais l'œil dur est infracturable. La famille a très matri, mais soit méprisée. On a autant d'amis qu'il y a de noirs à l'Elysée. On vit par morse, regarde mon torse et puis de poil, témoin. Ils veulent nous mettre à nu, demande à qui j'assasse corse. Mais trop de fierté, trop d'honneur pour verser une lame. Le noyau du resserre les rangs et pour l'avenir on s'arme. Comme ces accords, j'exprime ma rancœur. Cœur encore plus dur et froid qu'un diable au grand cœur. Sommes dans la bonne musique et le public respecte. Pas son chant pour les patrons ni personne nous arrête. Sommes dans la bonne musique et le public respecte. Même quand il pleut des coups durs, le noyau dur, garde la tête. Sommes dans la bonne musique et le public respecte. Pas son chant pour les patrons ni personne nous arrête. Sommes dans la bonne musique et le public respecte. Triple zéro, c'est toujours la même clique. Noir super héros, le star contre les tailles, c'est flic. Triple costard, trick dans le phasar. Holster au sommet, on tire sa genou devant nos posters. Ils ont voulu tricar notre piste. Les mecs de check car ils disent un noir au top, c'est un loup dans la bergerie. Nous on gamberge des plans dingues. Invasion de la France en clan, secteur action, on prend la rime. C'est pas de chance pour ceux qui pensaient pas nous revoir si vite. Il en faut plus pour nous mettre en service. La rime paie mais cette réussite les dérange, ça les irrite. Ils ont le vice mais moi j'ai le tournevis. Fidèle à la base, on se mobilise. Quoi qu'ils disent, non le noyau dur lâchera pas prise. On reste soudés tant que le taf se concrétise. On avance ensemble et c'est comme ça qu'on s'organise. Ben tu viens chanter. Donne dans la bonne musique et le public respecte. Pas son chante pour les patrons ni personne nous arrête. Donne dans la bonne musique et le public respecte. Même quand il pleut des coups durs, le noyau dur garde la tête. Donne dans la bonne musique et le public respecte. Pas son chante pour les patrons ni personne nous arrête. Quand on chante pour le peuple, ni personne nous arrête. Donne dans la bonne musique et le public respecte. Même quand il pleut des coups durs, le noyau dur garde la tête. Donne dans la bonne musique et le public respecte. Quand on chante pour le peuple, ni personne nous arrête. Donne dans la bonne musique et le public respecte. Même quand il pleut des coups durs, le noyau dur garde la tête. Donne dans la bonne musique et le public respecte. Donne dans la bonne musique et le public respecte. T'entends pas ou quoi? Quand on chante pour les patrons, ni personne nous arrête. Donne dans la bonne musique et le public respecte. Même quand il pleut des coups durs, le noyau dur garde la tête. Donne dans la bonne musique et le public respecte. Quand on chante pour les patrons, ni personne nous arrête. J'étais femme. Si j'étais flic, et toi Rodney King, la matraque à main, toi au sol sur Sparking. Si j'étais flic, est-ce que j'accepterais les pots de vin après une saisie de coke, détourner ma part du butin. Si j'étais flic noir, est-ce que je voudrais le malheur d'un frère, lui disant que sa mort, ça fait une racaille en moins. Si j'étais flic, est-ce que je voudrais être criminel comme ça, avoir la Légion d'honneur ou avoir le statut de star. Soutenir mon collègue après cette bavure dans le 18, tenter le suicide en regardant après une bonne cuite. Est-ce que je suis flic parce que j'aime ça, bouger la trouille devant ces jeunes, est-ce que ça sent. Est-ce que je suis en confiance juste parce que j'ai mon arme.